Chapitre 36e. Les Amazones. Non loin de son fiacre, que conduisait ma pipe, en parfait cocher parisien, passa sur un fourbe au cheval la femme aux cheveux routins, puis, sur ses traces, le clown Fungetti. Aujourd'hui, la femme aux cheveux teints, celle que, comme Fungetti, nous appellerons désormais Flore, ne paraissait pas vouloir fuir le clown. Ils se sont également donné rendez-vous ici, se dit Paulin Broquet. Allons, ils filent décidément le parfait amour. Ma pipe, très habilement, parvint à suivre, sans qu'il pût s'en douter, le cavalier et l'Amazone, qui était ravissante au demeurant sur son cheval, et qui pouvait, aux yeux de beaucoup, rivaliser de grâce avec Miss Eden. Dans une allée écartée, déserte, une de ces allées où ne s'engagent presque jamais les cavaliers, car chacun sait qu'on ne monte à cheval au bois que pour être vu, Flore et Fungetti se rencontrèrent. Rencontre brève, d'ailleurs, elle ne dura que quelques minutes, le temps d'échanger deux ou trois phrases rapides. Puis Fungetti, au petit galop, s'éloigna dans la direction de Paris, tandis que Flore continuait sa promenade. Ma pipe laissa aller Fungetti, et sur l'ordre de son chef, se mit à suivre la jolie Amazone. Voici qu'au bout de cette allée, généralement déserte, une nouvelle Amazone parut. Cette Amazone arrivait au galop de chasse. L'allée faisait un crochet. Les arbres cachaient l'une à l'autre les Amazones qui venaient, sans se voir, à la rencontre l'une de l'autre. Miss Eden, la première, aperçut Flore quand elle n'était plus qu'à une centaine de mètres d'elle. Elle mit son cheval au pas, hésita quelques secondes, se demanda probablement si elle ne devait pas retourner et ne pas croiser cette Amazone. Mais la belle Flore, qui arrivait au trot, mit au contraire son cheval au galop quand Miss Eden ralentit l'allure du sien. En quelques secondes, elle se trouva devant la plus belle des femmes. Ce fut un coup d'œil charmant, un tableau de genre ravissant, que ces deux Amazones délicieuses sur des beaux cheveux dans ce cadre joli du bois. À quelques pas de Miss Eden, la belle Flore arrêta net son cheval. Elle interpella aussitôt la jeune femme. « Vous êtes, n'est-ce pas, Miss Eden ?» lui demanda-t-elle, les dents serrées, la voix un peu rauque, comme étranglée, les yeux brillants de haine. Très calme, Miss Eden répondit. « Oui, madame. » Elle demanda. « À qui ai-je l'honneur de parler ?» « Peu importe que vous sachiez qui je suis, cependant. »« Non, inutile. » »« Dans ce cas, je n'ai pas à vous écouter. Je ne consens parler qu'aux gens qui m'ont été présentés, que je connais. Vous ferez exception pour moi. » Miss Eden secoua la tête et donna un petit coup de cravache à son cheval pour lui faire reprendre son allure. La belle Flore se pencha et eut l'adresse de saisir une des rênes du cheval. Elle arrêta l'animal. « Vous m'écouterez quand même, » dit-elle rageusement. Et sans donner à Miss Eden le temps de trouver une réponse, de chercher à se dégager, elle lui dit, se penchant sur sa selle pour lui parler de plus près, « Je ne veux pas que vous m'appreniez mon amant. » Miss Eden eut un haut-le-corps. « Votre amant ?»« Oui, le prince Grégoriski. Je ne le connais pas. »« Vraiment ?» ricana Flore. « Je vous le jure. Si le prince Grégoriski vous trompe, madame, croyez que ce n'est pas avec moi. »« Alors, qu'est-ce qu'il va faire chez vous ?»« Mais il n'y est jamais venu. Je ne reçois personne. Même la nuit, n'est-ce pas ?» Surtout la nuit, excepté Paulin Broquet, mais excepté Paulin Broquet, reprit vivement Flore, lui coupant la parole. Et dans la même nuit, une heure après, le prince Grégoriski. Miss Eden, saisie, ne trouvait rien à répondre. Ne niez pas, madame. Je les ai vus sortir tous les deux de chez vous. J'ai passé une partie de la nuit, cachée sous le vent de la porte normande qui se trouve en face de votre grille en fer forgé. J'étais là, dans l'ombre, invisible, mais épiant, veillant. J'ai vu sortir une auto qui emportait l'illustre Paulin Broquet, votre grand adorateur, et peu après j'ai vu, par la porte, qu'entr'ouvrait votre big, le nègre affreux, sortir le prince Grégoriski. Malgré elle, Miss Eden s'écria. « Comment, ce malheureux, c'était le prince ?»« Non, » répliqua Flore, « pas celui qui est sorti à moitié démoli, mais celui qui l'a mis dans cet état. Pas Zigomar, mais celui qui fut le vainqueur de Zigomar. » Miss Eden pâlit. « Ah !» C'est lui, le prince Grégoriski. Oui, madame, maintenant vous savez de qui nous parlons. Et riant d'un mauvais rire, Flore reprit. Moi, madame, je n'ai nullement l'intention de vous prendre Paulin Broquet. Paulin Broquet doit vous suffire. Je vous somme de me laisser mon amant. Mais, madame, je puis vous assurer qu'entre le prince Grégoriski, puisque prince Grégoriski il y a, et moi, il n'est rien de ce que vous pensez. Je sais, madame, à quoi m'en tenir. Je connais le passé. Le passé que vous porterez jamais, inscrit sur votre bras marqué. Madame, fit Miss Eden en se redressant, nul ne sait, nul n'a vu ce que porte mon bras. Pardon, et celui qu'il connaît, qui en est l'auteur peut-être, celui-là est maître de vous. Personne au monde n'est mon maître. Cela vous regarde. En ce qui me concerne, je vous défends, entendez-vous? Je vous défends d'être la maîtresse de mon amant. Et elle ajoute avec rage, « Si vous êtes la plus belle femme de l'univers, et si vous comptez sur votre beauté pour m'enlever l'homme que j'aime, je vous l'arracherai, quand je devrais détruire votre charme, car je vous hais aussi fortement que j'aime celui que vous me volez. » Furieuse, aveuglée par la rage, la haine, Flore leva sa cravache pour donner un coup à la figure aux yeux de Miss Hidden, la défigurer, la rendre aveugle. Miss Hidden vit que la cravache était formée d'une tige d'acier souple, dont le bout se trouvait muni d'une sorte d'étoile double, un petit artichaut à pointe d'acier très effilé, qui devait pénétrer dans la chair et causer une blessure profonde. Il laissait des traces horribles. Fort heureusement, Miss Hidden, pour qui les spores n'avaient aucun secret, qui connaissait l'escrime à l'épée, au sabre, sut promptement éviter le coup de cette arme terrible. Le cravage de la belle Flore fut arrêté par une habile parade de la cravache de Miss Hidden. L'étoile, l'artichaut aux cruelles pointes d'acier, toutefois, en se pliant sous la force de l'élan, alla frapper Miss Hidden vers le front. Mais Miss Hidden baissa la tête en même temps qu'elle parait le coup, et l'artichaut qui devait lui crever les yeux, ses admirables yeux mauves, labourait son adorable visage, n'atteignit que son chapeau, le déchira et se perdit dans l'épaisse toison de cheveux d'or. Presque au même moment, Miss Hidden fit siffler sa cravache, oh, une simple cravache de cheval, mais la cravache s'abattit sur la joue de la belle Flore et y laissa une raie de sang. Flore poussa un hurlement de douleur. Elle porta ses mains à son visage et au sang qui les tacha comprit la gravité de la blessure qui venait de lui être faite. Flore se sentit à jamais défigurée. Alors, ce ne fut plus une femme, ce fut une tigresse blessée, en furie. « Ta vie, ta beauté » cria-t-elle. « Oui, j'aurai ta beauté, ta vie !» Miss Hidden, très calme, ne répondit rien. Elle regardait son ennemi se tordre dans sa douleur, dans son désespoir, dans sa rage. Flore, blessée, souffrant horriblement, vaincue, se décida à quitter le champ de bataille. Elle reprit les rênes de son cheval, rassembla l'animal, et revenant sur Miss Hidden, elle lui dit « Je me vengerai, plus cruellement que tu ne peux l'imaginer. » Et elle ajouta « Ta fille, ta darling, je sais où elle est. Je peux, moi, l'approcher. Et bien ce que tu m'as fait, je vais le lui faire. Cette marque rouge, ta fille, ta darling, la portera comme moi. » Miss Hidden tressaillit. « Tu ne toucheras pas à cet enfant misérable, » fit-elle, s'élançant à son tour sur la belle Flore. « Tu n'y toucheras pas, ou prends garde. Si tu fais mal à darling, je te tuerai. » « Si tu me tues, » répliqua la belle Flore, « tu condamnes à mort ta fille. » Et rendant la main à son cheval, elle partit au galop, cachant sa joue blessée dans son mouchoir, déjà rouge de sang.